Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, une femme à Berlin, le journal de Martha Hillers. Quelques minutes après que les soldats avaient entré la cave, nous avons entendu « Mouti, Mouti, Mouti » parce qu'une jeune fille était violée par un soldat. Ce que décrit cette femme dans ce reportage de Danny Brown diffusé à l'émission Dimanche Magazine en avril 1995, 2 millions d'Allemandes l'auraient vécu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 2 millions d'Allemandes, dont 100 000 Berlinoises, auraient été violées par des soldats soviétiques à la libération de l'Allemagne. Parmi ces victimes, la journaliste allemande Martha Hillers, qui tiendra le journal des horreurs qu'elle va vivre au quotidien du 20 avril au 22 juin 1945. Le journal de Martha Hillers sera publié sous le titre « Une femme à Berlin ». Fermez les yeux, serrez les dents. Aucun son ne doit sortir de ma bouche. Seulement quand les sous-vêtements sont déchirés, mes dents se mettaient volontairement à grincer. Soudain, un doigt sur mes lèvres, il pue le tabac, j'ouvre les yeux, les deux mains étrangères me desserrent les mâchoires, les yeux dans les yeux, puis, penchés sur moi, ils laissent tomber lentement dans ma bouche la salive accumulée dans la sienne. Je suis pétrifiée. Aucun dégoût. J'ai seulement froid. Ma colonne vertébrale se glace. De nouveau les yeux dans les yeux, les lèvres de l'étranger s'ouvrent, découvrent des dents jaunes. Une dent de devant est à demi cassée. Les commissures se relèvent. Ils plissent les yeux qui rayonnent de toutes leurs ridules. Il est en train de sourire. Avant de partir, il fouille dans la poche de son pantalon, en sort quelque chose qu'il jette sur la table de nuit. Un paquet froissé, contenant encore quelques cigarettes. Mon salaire. En me levant, vertige, nausée, je traversais le vestibule, entrée dans la salle de bain. Vomissement. Dans le miroir, mon visage vert. Un extrait, très fort extrait de la pièce « Une femme à Berlin » présentée à Montréal et Ottawa à l'automne 2016 et mise en scène par Brigitte Henkens. Pour nous raconter l'histoire du journal de Martha Hillers, je reçois justement Brigitte Henkens, directrice artistique du Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa. Brigitte Henkens, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Brigitte. Comment ça se passe pour vous d'abord, cette histoire-là? Quand, dans quelles circonstances, commence votre propre histoire avec une femme à Berlin? Mais en fait, je suis tombée sur le livre par hasard dans une librairie où j'ai trouvé la couverture fascinante. Donc, en fait, c'est la photo qui m'a attirée. Mais je n'avais jamais entendu parler du livre. Ça fait déjà presque une dizaine d'années, je dirais. Donc, j'ai lu ça d'une traite. Je l'ai dévoré, en quelque sorte. Et j'ai été complètement bouleversée par le livre. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé l'écriture extraordinaire. La façon dont elle mélange l'ironie, l'humour et la façon qu'elle a d'aborder le drame, ça m'a vraiment plu. Mais j'envisageais pas de le mettre en scène parce que je me disais, oh, non, non. Tout le monde me disait autour de moi, tu vas mettre ça en scène. Mais je disais, oh, non, non, il n'y a pas question. Et qu'est-ce qui a été déterminant qui a fait que vous êtes dit, oui, je fais un spectacle, je mets ce texte en scène? Mais je pense que ça fait son chemin en moi, tout simplement. Ouais. Puis ça s'est imposé un jour, là. C'est comme 5 ans après, peut-être, là, où tout d'un coup, c'était clair que c'était ça. Ouais, quand même, on n'aborde pas ces questions-là sans y aller avec délicatesse. Il y a un contexte aussi. Vous avez donc présenté cette version d'une femme à Berlin à l'automne 2016 à Ottawa et à Montréal. Évidemment, c'est d'abord un texte qui témoigne de cette réalité qu'ont vécu 2 millions d'Allemandes en 1945. Mais dans le contexte actuel, il y a quelque chose qui nous rattrape, là. On est dans une forme de culture du viol, Brigitte Henkens, avant même la lettre. Avec le journal de Martha Hillers. Oui, enfin, moi, j'aime pas tellement ce mot-là, ouais. Culture du viol, je trouve. Ça... Puis, en fait, c'est vrai que c'est arrivé. Le spectacle a été créé au moment où il y avait tous ces événements dont on parlait abondamment, mais j'aime pas ce mot-là. Parce que d'abord, je trouve que c'est plutôt l'inculture du viol. Mais je trouve ça quand même un petit peu différent que ces viols. Orchestré par l'armée, les armées, c'est un petit peu différent. C'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Et en fait, c'est volontairement, ouais, pour écraser l'ennemi aussi, en fait, parce qu'il y avait une propagande, il y en a toujours, je crois, dans toutes les zones en guerre, que ce soit en Afrique ou en Bosnie ou en Allemagne. Bon, il y avait une propagande qui était faite. Donc, en fait, on incitait les soldats à le faire parce qu'on savait qu'en s'attaquant aux femmes, on s'attaquait aussi aux hommes. Et de fait, Goebbels, donc du côté de l'Allemagne nazie, lui aussi, pour motiver ses troupes, prévenait ses hommes, entre guillemets, les soldats allemands, en disant « Défendez bien votre pays parce que ce qui attend vos femmes, ce sont ces viols qu'elles subiront de la part de soldats soviétiques. » Ça joue aussi dans ce sens-là. Exactement. Puis je pense aussi que l'armée allemande en Union soviétique ne s'est pas tellement gênée. Enfin, on n'en parle pas non plus. On ne sait pas exactement. En fait, ce sujet-là, en général, est ignoré des premières pages des journaux. Oui. Parlons de cette journaliste, Martha Hilers, qui donc sera victime pendant 3 mois de ces viols à répétition. Qui est-elle? Ben, comme vous dites, c'est une journaliste, une femme très cultivée, qui a une trentaine d'années. Donc, elle a beaucoup voyagé. C'est une femme intelligente, brillante. Mais elle écrivait des chroniques dans des magazines féminins, là, l'équivalent du Elle Québec, j'imagine, à Berlin, si ça existait. Mais donc, c'est pas non plus une journaliste émérite. De toute façon, à l'époque, je ne sais pas si les femmes avaient le droit aux tribunes, même encore en Allemagne aujourd'hui, c'est sûrement pas le cas. Elle s'est promenée quand même. Elle est allée en Russie, donc elle parlait un peu le russe. Elle est allée en France, donc elle connaissait le français. Puis, c'est ça, c'est quelqu'un de particulièrement brillant, je dirais. À quel moment, et surtout pourquoi, elle décide, dans ce contexte-là, on va voir ce que c'est quotidiennement pour elle dans un instant, mais qu'est-ce qui la décide à écrire, à tenir ce journal? C'est ça, je ne sais pas où le déclenchement s'est fait, en fait, mais j'imagine que ce journal, pour elle, a dû commencer au moment des bombardements de Berlin, là, parce que quand même, on oublie de dire que les Alliés ne se sont pas gênés non plus. Hein, sur la population civile, ils ont pris leur retraite en Allemagne. Là, ils ont quand même massacré un certain nombre de villes allemandes. Et donc, je crois qu'elle a commencé à tenir ce journal pour, en fait, survivre, en quelque sorte. Donc, c'était comme un outil de courage. Un moyen pour elle de rester en vie. Donc, elle a commencé à prendre des notes. Probablement que le journal a été réécrit aussi, après coup, je pense. Hein. Il a été mis en forme parce qu'elle devait prendre des notes en sténo. Parce que ça se fait dans les conditions. Elle écrit ce journal comme elle le peut. Là. C'est un carnet qu'elle écrit dans un sous-sol, littéralement. Exactement, parce que là, je pense que tout le monde descendait dans les caves et était bombardé. Puis, il y a eu plusieurs phases, donc... À cette fin de guerre qui a été dans un chaos total à Berlin, où il restait que des femmes, enfin, je pense, et quelques vieillards. Et donc, après ces bombardements, l'armée russe est arrivée. Donc, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Donc, quand l'armée russe est arrivée, elle s'est installée à Berlin et là, les viols sauvages ont commencé. Donc, toutes les femmes qui étaient disponibles, si je puis dire, en fait, sont passées par là. Et c'est ça, essentiellement, que raconte ce journal, ces viols successifs, plusieurs fois par jour. Le contexte aussi, la faim, parce qu'au fond, elle écrit ça dans le froid, dans l'humidité et affamée. C'est ça aussi. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont absolument plus rien à manger. En fait, quand les Russes arrivent avec leur cantine, leur lard et leurs pommes de terre, là, ça déclenche aussi la faim chez elles. Oui, c'est ça. Oui. 100 000 Berlinois, je reviens sur ce chiffre-là, on l'a un petit peu évoqué, pourquoi ça se passe surtout à l'Est, Brigitte Henkens, 100 000 Berlinoises qui vont être violées, 2 millions d'Allemandes, surtout par des soldats soviétiques. Il y aura des viols commis par des soldats, voilà, du côté du front Ouest aussi, mais beaucoup et surtout du côté du front Est, des viols commis par des soviétiques. Pourquoi? Ben, je pense que c'est parce que c'est l'armée allemande, l'armée russe qui a débarqué à Berlin. Donc c'était une armée de soldats qui étaient absents de leur famille depuis 4 ans. En fait. Donc qui avaient connu 4 ans de guerre sans presque aucune permission. Et donc qui n'avaient pas vu de femme depuis 4 ans. Et puis ça a été très dur à l'Est. C'était très, très dur. Les Allemands ont été très durs aussi En Russie. C'est horrible. En fait, bon, on sait aussi que l'armée allemande est allée en Russie. Ensuite, il y a les colonies de SS qui ont noyauté l'armée allemande. Puis là, les massacres ont commencé. Donc, il y a eu énormément d'horreurs de fait. Mais à ma connaissance, l'armée française ou l'armée l'armée américaine ne sont pas arrivées à Berlin en masse comme ça. Donc, c'était pas une armée de soldats, en fait. Il y a eu des bombardements, il y a eu des officiers, mais c'était moins... Ça, c'était moins massif. C'est les Russes qui débarquent littéralement à Berlin, puis avec cette, probablement ce désir de vengeance aussi, cette arme de guerre dont vous parliez aussi, cette directive. Ils étaient endoctrinés, ouais. Ils étaient aussi saoulés, on leur donnait beaucoup d'alcool, donc en fait, ça favorisait aussi l'espèce de liberté qu'ils se donnaient, en quelque sorte. Et ça se passe comment, donc, concrètement, cette mécanique du viol au quotidien, Brigitte Hankins? Ben, écoutez, c'est simple. Je pense que partout où ils voient des femmes, ils s'en emparent, en fait. C'est comme ça qu'elles le racontent. Donc, dans les escaliers, par des entrées brutales dans les appartements. Puis, en fait, bon, ce sont des viols systématiques et rapides, en quelque sorte. Et elles y passent toutes. Jeune, c'est ça, vieille. Jeune, vieille. Alors, des fois, ils déguisaient des jeunes femmes en hommes ou ils les cachaient. Il y avait quelques très jeunes filles qui étaient cachées dans certains endroits que les femmes protégeaient pour les empêcher qu'elles deviennent elles aussi des proies. Mais c'était quand même, d'après ce que j'ai pu lire, c'était assez violent. C'est inimaginable. Et cette tension perpétuelle, parce que il y a un échange terrible. Les femmes se demandent, en fait, entre elles, combien de fois aujourd'hui. C'est ça, exactement. Combien de fois aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais c'est ça qui est le pire, en fait, à la limite aussi. C'est l'idée que tu ne peux rien faire parce que tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus. Puis... j'ai compté qu'elle, avant qu'elle prenne un protecteur, en quelque sorte, je pense qu'elle avait subi une dizaine de viols quand même. Martha Hilers. Oui, elle-même, là. Ouais. Ouais. L'écrivain. Donc, Et de fait, elle va, effectivement, mais c'est intéressant, prendre un protecteur. Ça montre, ça en dit beaucoup sur ce que vivent ces femmes. Elle va choisir un officier. Elle est intelligente, vous l'avez dit. Elle choisit un officier, un Ukrainien, qui fait partie de l'armée soviétique, en se disant « il me protégera d'autres viols ». Exactement. Donc, en fait, comme je dis, des fois, c'est choisir le viol domestique pour se protéger du viol sauvage. Mais d'une façon, on peut comprendre, mais à un moment donné, elle décide que c'est fini, là, cette sauvagerie-là est terminée. Donc, en fait, un protecteur, ça veut dire qu'il vient dans son lit. Mais c'est ça, elle le subit pareil. Mais au moins, ça lui évite les contacts violents avec des soldats. Et puis, il y aura toute une solidarité aussi entre elles, entre ces femmes. Oui, c'est ça qui est très beau, là. C'est comme... c'est sûr aussi que, par exemple, Martha Hilers, elle a un protecteur. Elle en a même trois, en fait, finalement, avec le temps. Avec toute l'ambiguïté que ça peut représenter aussi. Hein, parce que rien n'est simple dans ces domaines-là. C'est-à-dire, en fait, c'est un protecteur, mais des fois, il y a des liens affectifs qui peuvent se nouer, ce qu'elle raconte très bien et qui est très troublant aussi. Le fait que des relations peuvent se passer au niveau humain. Je ne pense pas au niveau sexuel, parce que après tout ça, elle dit d'ailleurs que les hommes, c'est fini pour elle en termes de sexualité. Mais je pense qu'au niveau affectif, il peut y avoir des choses qui se déroulent. Et évidemment, les protecteurs apportent aussi à manger. Ouais. Donc, ils fournissent le lard, les patates, le pain, puis la vodka aussi, qui aide parfois à subir tout ce qu'elles ont subi. Et c'est assez beau de voir l'entraide de toutes ces femmes, en fait, qui se fait dans le silence presque, parce que tout le monde sait ce qui se passe, là. Et qui sont dans la survie, littéralement. Exactement. C'est une horreur. Les viols, évidemment, ces viols à répétition, ça fera partie, c'est une horreur en soi, mais qui fera partie d'un contexte plus large où cette fin de guerre va être horrible de différentes façons. On écoute le témoignage d'une Allemande qui avait 35 ans à la fin de la guerre, extrait à nouveau de ce reportage de Danny Brown à l'émission Dimanche Magazine en avril 1995. Les viols ont été le moindre mal pour nous. Ce qui a été plus grave, c'était les attaques aériennes permanentes. Cette peur, cette terrible peur des enfants. On ne pouvait plus rien faire. On était dans la cave jour et nuit. On ne pouvait plus dormir. C'était très difficile psychologiquement. Tellement qu'on en a encore des séquelles 50 ans plus tard. On était quand même heureux lorsque les Russes sont entrés à Berlin. Pour nous, ça nous était égal de savoir qui allait prendre Berlin. La chose principale pour nous, c'était la paix, la fin de la guerre, qu'il n'y ait plus de batailles et plus de bombardements. C'est jamais si simple, Brigitte Hunequin. Cet extrait-là est assez formidable. Vous disiez un peu plus tôt, quand ces violeurs soviétiques amènent de la vodka et à manger, les femmes, pour elles, c'est aussi la fête parce qu'elles sont dans cet état de survie. Mais cet extrait qu'on vient d'entendre, ça pose une vraie question. Dans ce contexte de fin de guerre en Allemagne, quel poids, quelle place et quel poids vont occuper ces viols dans toute cette horreur ambiante? Je sais pas, c'est ça. Je pense que ça participe. C'est comme si ça a été comme c'est dit dans ce témoignage-là. En fait, après la violence de ces bombardements, de l'écroulement de toute la vie quotidienne, de l'absence de repères totalement, de la perte de logis. En fait, j'ai même de la misère à imaginer ce que ça pouvait être. On peut pas imaginer nous occidentaux là dans notre confort petit bourgeois. Qu'est-ce que ça peut représenter que d'avoir plus rien? Ouais. Donc, c'est comme si ça, c'est l'ultime étape là, de la dégradation, en fait. Puis de la vengeance, en fait, des alliés contre le peuple allemand. Parce que c'était le peuple, quand même, les femmes, là, elles avaient rien fait. Mm-hmm. Puis bon, tu sais, on dit parfois les Allemands étaient tous des nazis, c'est faux. Je veux dire, c'est faux. Peut-être qu'ils ont participé à un système, ils se sont tués, pour la plupart d'entre eux, mais ils se sont échappés aussi de l'Allemagne, mais ils n'étaient pas tous nazis, enfin. Ça se termine quand et pourquoi? Dans quel contexte? Mais je pense que ça se termine à l'armistice, en fait, quand on a fait le partage de Berlin entre différents quartiers. En fait, quand les Alliés, en fait, arrivent à Berlin, il se passe quelque chose aussi. Staline est très conscient, très soucieux. Il y aura même des directives à ce moment-là. Staline va dire à ses hommes, attention, faites gaffe, parce que là, les Américains viennent d'arriver, les Français, tout le monde se retrouve à Berlin. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, puis c'est ça, il partage Berlin entre les Français, les Américains, les Russes, là, avec... plus tard, la construction du fameux mur. Là, donc, c'est à ce moment-là, je pense que... En fait, parce que l'armée soviétique s'est retirée avant que les Alliés arrivent, je pense. L'armée en tant qu'armée. Puis ensuite, c'était une occupation plus politique, en quelque sorte. À la fin de la guerre, autre drame, ces femmes qui auront été violées à succession vont être confinées au silence. Non seulement on ne veut pas les entendre, on les juge. On écoute un autre extrait de votre mise en scène qui est très, très fort. Donc, cette mise en scène du texte d'une femme à Berlin, le moment où le mari de Martha Hilers revient à la maison à la fin de la guerre. Après la chute d'une bombe ennemie sur leur position... Ils s'étaient éloignés à Troyes et étaient allés se planquer dans une ville abandonnée. Quand les autorités locales s'étaient mises à passer la population au peigne fin, les hommes s'étaient alors joints à une troupe d'évacués et avaient fait route avec eux pour rentrer au pays. Dans son sac, il a rapporté des pommes de terre impeccables et un gros morceau de lard. Je me suis aussitôt mise à cuisiner et j'ai invité la veuve à se joindre à nous. Elle connaît guère tout seulement de tout ce que je lui en ai dit, mais elle a salué et traîné avec effusion lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Dans la foulée de son déluge de paroles, elle lui a raconté l'histoire du pouce et de l'index dessinant un rond. Femme ukrainienne comme ça, toi comme ça. Femme ukrainienne comme ça, toi comme ça. Vous êtes devenus aussi impudiques que des chiennes, tout autant que vous êtes dans cette maison. Vous ne vous en rendez donc pas compte? Racontez-nous un peu le contexte, parce que j'ai vu la pièce, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, c'est son fiancé, en fait, qui revient de guerre. Quand il arrive, elle essaie de lui raconter ce qu'elle a vécu. Et, par exemple, elle lui montre son journal à un moment donné. Puis, à un moment donné, il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, ces lettres-là? Parce qu'elle mettait des abréviations pour dire viol. Et lui, il est incapable d'accepter ça, en fait. Et femme ukrainienne comme ça, toi comme ça, évidemment, c'est un soldat qui l'a violée. Oui, c'est ça. Qui lui dit, je vois une différence. Oui, c'est ça, qui croit faire un compliment en disant que les femmes allemandes, en fait, sont plus étroites, si je peux dire, que les femmes russes. Donc, c'est pour ça qu'il faisait le geste en disant mais que c'est horrible. Ce qu'on entend, horrible. Cette scène, elle est affreuse et elle est très révélatrice en même temps de l'état d'esprit à ce moment-là. Ses maris, mais pas qu'eux, et ses fiancés. Ouais. On ne veut pas voir, on ne veut pas entendre parler de cette réalité-là en Allemagne. Ben non, parce que, en fait, c'est un déshonneur pour les hommes, en fait, en quelque sorte, déjà qu'ils ont été assez humilié, en fait, quand même, de la chute de Hitler, de la quand on pense à ce que c'était la Wehrmacht, là, quand même, indépendamment du nazisme, en fait, la Wehrmacht est une armée d'élite, très disciplinée, très glorieuse. Et donc, revenir chez soi, être battu aussi drastiquement, en quelque sorte, comme armée, quand même, c'est une défaite cuisante. Puis là, tu reviens chez vous, puis ta femme s'est fait violer. Et c'est une réalité qu'ils ne peuvent pas accepter. À la limite, je peux comprendre même qu'on ne puisse pas l'accepter, même si je trouve ça horrible. Mais dans le fond, ils sont traumatisés aussi, ces hommes. Donc, en fait, ça participe au traumatisme. Mais en fait, c'est comme si ça les déshonorait dans leur virilité, ce qui était le but recherché aussi par les Russes, en fait. Ouais. Le journal est publié en anglais d'abord, aux États-Unis en 54. Il sera publié en 59. En Allemagne, ça va être la catastrophe. Comment est reçu ce journal-là? Dans le silence total, dans la négation. On dit, c'est un tissu de mensonges, ça n'a pas existé, c'est faux. Donc, en fait, il y a un refus total de cette vérité-là. Puis, bien sûr, on pourrait l'expliquer par le fait que, bon, y a la culpabilité du nazisme. Les Allemands se sentent coupables pendant au moins une génération ou deux, en fait, d'avoir été des nazis. Et en plus, du côté de l'Est, ben, on veut glorifier l'armée soviétique qui a été la libératrice de l'armée allemande. Donc on nie complètement les méfaits de cette armée. Donc, grand tabou autour de cette question-là. Tabou, c'est horrible, en fait. C'est parce que c'est comme le refus de la légitimité de... la réalité. Puis je crois que c'est vrai dans toutes les guerres, en fait, encore aujourd'hui. Mais la pensée allemande va évoluer, Brigitte Henkens, tant et si bien que quand le journal de Martha Hiller sera publié à nouveau en Allemagne en 2003, elle avait exigé que ça ne se fasse qu'après sa mort. Quand il sera publié en 2003, là, tout à coup, c'est le best-seller. Oui, c'est ça. Ben, finalement, c'est comme ben là, c'est l'arrivée aussi des plus jeunes générations. Donc, en fait, la guerre est en quelque sorte lavée quand même. Donc il y a une capacité à accepter l'horreur, à accepter cette réalité-là. Mais je pense que c'est ça, ce livre aussi, parce que c'est un objet littéraire aussi. C'est pas juste un témoignage, c'est pas juste une jérémiade, c'est pas juste un cri de victime. C'est-à-dire, elle a cette volonté, et c'est pas qu'elle soit pas victime, mais elle a cette volonté de sortir de la victimisation. Donc, en fait, elle se veut responsable. Je pense que c'est sa façon de survivre, en fait, de vouloir prendre son destin en main, en fait. Et ça, c'est très touchant, c'est très beau. Donc, c'est ce cri d'espoir-là aussi qu'elle délivre, en quelque sorte. Brigitte Henkens, metteur en scène d'Une femme à Berlin, directrice artistique du Théâtre français du Centre national des arts, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.